dans un père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je m'appelle Daniel Morin et je vais vous raconter l'histoire de Bouboule, la poule trop cool. Il était une fois une famille pauvre, très très pauvre. Elle vivait dans une forêt où il faisait froid, très très froid. Il y avait Franck, le père, Brigitte, la mère, Nénette, leur fille, et Johnny, le chien. Il faisait tellement froid que plus rien ne poussait, ni dans le jardin, ni même dans la forêt. Les arbres étaient gelés, l'herbe était gelée, il n'y avait bien sûr plus aucun fruit ni légumes, et ça depuis longtemps. Dans la maison, il n'y avait plus de chauffage. Le bois gelé ne brûlait pas. Un soir, Franck, le père, rentra de la chasse comme d'habitude, bredouille. Sa femme Brigitte lui dit, comme d'habitude, « C'est pas grave, la prochaine fois tu auras plus de chance. » Nénette, sa fille, tentait aussi de lui remonter le moral. « Maman a raison, papa. La prochaine fois, je suis sûre que tu vas nous trouver plein de choses à manger, et même du bois sec, pas gelé, qui pourra brûler dans le poêle et nous réchauffer. » « Je n'y crois plus guère, mes chéris, » répondit Franck, l'air abattu. « Ce soir, ce sera le 10e soir sans manger. Il faut que ça cesse. J'ai décidé que nous allions manger Johnny. »« Quoi ?» reprirent en cœur Brigitte et Nénette. « Mais c'est impossible, c'est notre chien, nous l'aimons, comme s'il faisait partie de la famille. On ne peut pas faire ça. » »« On n'a pas le choix, » finit par dire le pauvre Franck. Johnny, le chien qui avait tout compris, se cachait sous un meuble. Franck ouvrit la porte, prit son fusil et dit « Allez, viens Johnny, viens mon chien, on va dehors. » Résigné, Johnny suivit son maître, la papatte lourde. Il savait ce qu'il attendait, mais lui non plus n'avait plus d'espoir. Et comme il aimait ses maîtres, il était prêt à leur servir de repas. La larme à l'œil, Franck épaula son arme et mit le canon en direction de Johnny. L'émotion et le froid le faisaient trembler, mais il était tout proche du chien, il ne pouvait pas le rater. Avant de commettre l'irréparable, il lança « Adieu mon chien !» Adieu! Puis, il entendit un bruit bizarre. Trop content de retarder l'exécution de Johnny, il baissa son fusil et tendit l'oreille. Côte, côte, côte. Mais on dirait le bruit d'une poule. Côte, côte, côte. Mais oui, il y avait une poule non loin. Vite, Johnny, viens avec moi, nous allons nous cacher. Tapis derrière un buisson gelé, Franck et Johnny attendaient. Côte, côte, côte, côte, côte. Mon Dieu, mais oui, c'est une poule, et une grosse en plus. Avec un tel volatile, il va y avoir de quoi manger pour tout le monde pour au moins 3 jours. 4, si on est raisonnable. La poule arriva à leur hauteur. Franck surgit du buisson comme un diable. Stop! Plus un pas la poule, tu es ma prisonnière. Franck prit la poule par les pattes et la rapporta à la maison. Brigitte, Brigitte, regarde ce que j'ai trouvé. Une grosse poule bien grasse. Tiens, prépare-la, on va se régaler. Quelle est belle et grasse, tu as raison. Tu as vu ça, Nénette? Nénette ne faisait pas attention à ce que disait sa mère. Elle était trop contente que Johnny soit sain et sauf et le serrait fort dans ses bras en lui disant à l'oreille des « Oh, mon chien-chien, oh, il est beau, mon chien-chien, je l'aime, mon chien-chien, etc., etc. » Plein de trucs à base de chien-chien. Impatient de goûter la volaille, Franck prit un couteau, il l'aiguisa et le donna à Brigitte. « Tiens, vas-y, découpe-la. » « Non, » dit Brigitte. « Comment ça, non? Ça fait 10 jours qu'on n'a pas mangé et tu dis non? On va attendre jusqu'à demain matin. Qui sait? Peut-être que cette nuit, elle va encore grossir. »« Bon, mais demain, à la première heure, tu nous la prépares, ma Brigitte. Promis !» Histoire d'arriver plus vite au matin, tout le monde décida d'aller se coucher tôt. Franck, pour ne prendre aucun risque, avait confectionné une cage pour y enfermer la poule. Une cage en bois bien solide et un cadenas bouclé à double tour. Tout le monde s'est endormi très vite. Et chacun rêvait de différentes recettes à base de poule. Franck rêvait d'une poule au pot, Brigitte d'un filet cordon bleu, et Nénette salivait dans son sommeil en imaginant des nuggets. Au milieu de la nuit, Nénette se réveilla tiraillée qu'elle était par une pressante envie de faire pipi. Elle traversa la cuisine sur la pointe des pieds, quand tout à coup elle entendit « Eh oh, toi là-bas !» C'était la poule qui s'adressait à elle. Pensant qu'elle rêvait encore, elle poursuivit son chemin. « Héros, je te cause, Nénette !»« Tu es une poule qui parle ?» demanda Nénette. Affirmatif. Je suis Bouboule, la poule trop cool. Comment cela est-il possible qu'une poule parle ? Je suis une poule spéciale. Comment ça spéciale ? Eh bien, libère-moi et tu verras. Non, je ne peux pas te libérer. Non, je suis désolé. Nous avons trop faim, ça fait 10 jours que nous n'avons pas mangé. Toute la famille est affamée. Si tu me libères, ta famille et toi aurez de quoi manger pour toujours. Mais comment ça ? Libère-moi et tu verras. Non, je ne peux pas, mon père serait furieux. Dans la forêt glacée, on ne trouve plus rien. C'est presque un miracle qu'il t'ait trouvé. Réfléchis, Nanette. Si tu me libères, vous n'aurez plus jamais faim et plus jamais froid non plus. Non, je suis sûr que si je te libère, tu partiras et rien ne changera. Et nous aurons faim et froid. Mon père sera fou de rage, ma mère folle de chagrin, et Johnny partira, affolé que mon père décide encore de nous le faire manger. Si vous me mangez, vous serez rassasié pendant quelques jours, mais après vous aurez faim à nouveau et toujours très froid. Je te promets, tu as ma parole, que si tu me laisses partir, tous ces malheurs ne seront plus qu'un lointain souvenir. Et qu'est-ce qui me prouve que tu tiendras parole ? Rien ! Ah ! Je le savais ! Si tu me laisses partir, ta générosité et ta confiance seront largement récompensées. Nénette hésite. Une poule qui parle, c'est pas rien, c'est vraiment spécial. Si ça se trouve, elle dit la vérité. Le problème, c'est que si elle ne tient pas ses promesses, son père sera furieux. Je ne sais pas quoi faire, avoue Nénette à Bouboule, la poule trop cool. Réfléchis, mais décide-toi vite. Le jour va se lever et ce sera trop tard. Réveillée par la conversation entre Nénette et la poule, Brigitte, la maman, arrive dans la cuisine. À qui parles-tu, Nénette ? À personne. Mais je t'ai entendu depuis la chambre. À qui parles-tu ? À moi ! Dit la poule. Ah ! Mon Dieu ! Une poule qui parle ! Chut ! Maman, tu vas réveiller papa. Je suis Bouboule, la poule trop cool. Ton mari m'a capturé. Je sais. Il m'a capturé, je sais que demain matin, vous allez me préparer pour me manger. Mais c'est une erreur. Comment ça ? Mais nous avons faim, nous, ça fait... Ça fait 10 jours que vous n'avez pas mangé. Je sais, Nénette m'a tout raconté. Eh bien, si tu sais, tu comprends pourquoi nous allons te manger, dit la mère. Je comprends, mais j'ai mieux à vous proposer. Comme je l'ai déjà expliqué à Nénette, si vous me libérez, je vous promets que demain matin, au lever du soleil, vous aurez la plus belle des surprises. Quelle surprise ? Je vous promets que vous n'aurez plus jamais ni faim, ni froid. Mais c'est impossible. Si, c'est possible. J'ai des pouvoirs. C'est pour ça qu'on m'appelle Bouboule, la poule trop cool. Non, je ne peux pas me permettre de prendre le risque de perdre une bonne grosse poule comme toi alors que nous avons si faim. Mais maman, dit Nénette, si ça se trouve, elle dit vrai. Mais si elle dit faux, ton père sera furieux et nous devrons vraiment manger de Johnny. Mais j'ai confiance, dit Nénette. Réfléchis bien, mais pas trop longtemps, rajouta la poule. Non, désolé, demain tu passes à la casserole, conclut la mère avant de remonter se coucher. Et toi, Nénette, viens de coucher, le soleil se lève bientôt. Oui, maman, j'arrive. Nénette est troublée. D'un côté, elle ne veut pas désobéir à sa mère, de l'autre, elle croit en la poule. C'est ta dernière chance, Nénette, libère-moi. Sans plus réfléchir, Nénette ouvre la cage de la poule et la laisse partir. Tu ne le regretteras pas, ma belle ! Dit la poule avant de s'enfuir dans le froid. Alerté par le bruit de la porte, le père de Nénette se lève et descend. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nénette lui raconte ce qu'elle vient de faire. Le père est anéanti. Il s'effondre sur une des chaises de la cuisine. Mais comment as-tu pu faire confiance à une poule ? Mais papa, une poule qui parle, ça a forcément des pouvoirs ! Mais non, tu t'es fait avoir. Bon, tant pis pour Johnny. Allons nous recoucher. Quelques heures plus tard, le jour se lève, mais contrairement à d'habitude, le père est gêné par sa couverture. Elle lui tient chaud. D'un seul coup, Nénette rentre en furie dans la chambre de ses parents. « Réveillez-vous, debout !»« Quoi, qu'est-ce qui se passe ?» demande la mère. « Regardez par la fenêtre !»« Oh, mon Dieu !»« Lève-toi, Franck, lève-toi !» Le père se lève. Il n'en croit pas ses yeux. Le soleil brille de 1000 feux. Des feuilles poussent sur les arbres encore gelés la veille. Toute la famille descend les escaliers 4 à 4. Croyant son heure venue, Johnny se cache sous la table. Une fois dehors, la famille n'en revient pas. Il fait beau. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Venez voir, crie Nénette, regardez. Tous les arbres sont chargés de fruits, mais pas que. Sur un arbre poussent des saucissons, sur un autre des cuisses de poulet, sur un troisième des hamburgers, sur un quatrième des croissants et des chaussons aux pommes. Dans le potager, au milieu des légumes qui sortent de terre, des galettes de pain poussent aussi. Johnny, qui a fini par sortir de sa cachette, aboie de bonheur. Il vient de découvrir un buisson sur lequel poussent des croquettes au bœuf. Dans la rivière coule du jus d'orange, les oiseaux chantent, il ne fait plus froid. Nanette s'est empressée de prendre un panier pour récolter tout ce qu'elle peut amasser. La poule avait dit vrai. En échange de sa liberté, plus jamais ils n'auront faim ni froid. Moralité, faire confiance peut faire perdre beaucoup, c'est vrai, mais aussi gagner énormément, ça arrive. Surtout quand on a affaire à une poule trop cool. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit. Non, une autre. Oui.